11h26 dans Morel Live. Donc, on parle au columniste, au chroniqueur, à l'animateur de Sun TV, Ezra Levant. Hello, Ezra. How are you? Very well. Thanks for having me on the show. Thank you. So we're going to proceed just like the same old thing. Like, I'm going to ask you a question, and GC will translate. What do you think of the charter, the PQ charter? I think that English Canada has gone crazy. I think that they have oversimplified and are enjoying themselves too much, shaking a finger at Quebec. Here's what I mean. There really is an issue about separation of mosque and state. We talk about the separation of church and state, but what about the separation of mosque and state? Do we really want to live in a world where a policeman pulls you over at the highway and instead of wearing the neutral uniform of the state is wearing a burqa or a hijab or even a big Jewish shtreimel hat, those big fur hats of the Orthodox Jews? I think it's legitimate for Quebec to say there are some things that should not be Jewish or Christian or Muslim or Sikh, that should be neutral. I am more sympathetic to Quebec than many other anglophones. Okay, let's translate. Okay. Donc le Canada, lui, il nous annonce d'avance là, que le Canada anglais va virer fou là, avec la charte. Là, c'est. Qui est pas d'accord avec le reste du Canada. Et c'est déjà parti, mais lui, par contre, dit qu'il y a une réelle question à se poser de séparation de l'État et de la religion. Et il dit qui veut vraiment, tu sais, que les policiers deviennent des policiers religieux avec les gros chapeaux juifs ou encore des policiers femmes avec la burqa. Donc lui, quand même, offre une oreille sympathique à ce qui se passe présentement au Québec. But the charter of the PQ goes beyond that. It would apply to everybody, like every civil servant would have to obey the law. It's not a question of police only. I think Quebec is trying to avoid an issue here, and it reminds me of the reasonable accommodation debate of a few years ago. Look, there have been Jews in Quebec for decades. Yeah. There aren't that many Sikhs. Why are we talking about this? Can we be honest? We're not really talking about this because there's a Sikh man with a turban. We're not really talking about this because in some pockets of Quebec, there's a few thousand Jews who wear big furry hats. We are talking about this because in the last 15 years, 200,000-300,000 Muslim people have come to Quebec, and it's shocking to Quebecers to see people walking around dressed like ninjas, dressed like beekeepers. It's shocking, and it offends our values of the equality of men and women. I think that Quebec is trying to avoid saying this is a Muslim issue, and so they're saying, well, we've got to throw in crosses and yarmulkes and Sikh turbans. I think that Quebec needs to be one step more honest and say, we have a problem with honor killings and with the treatment of women in Islam. I actually don't think that this is about crosses or yarmulkes. I think this is Quebec's way of trying to deal with burqas and niqabs. Yeah. Without saying so directly. We should spell it out. It's against radical Islam. Not Islam per se, but radical Islam. Exactly. And they're trying to get around it by saying, oh, you can't wear a cross around your neck. I don't think that bothers Quebecers. I mean, the cross is part of Quebec's history. If you read the Constitution, there are special provisions for Catholic schools. This is woven into Quebec. This is Quebec's history. The reason the Charter of Values is ringing a bell with people is because it is a response to something new. And that new thing is radical Islam and the treatment of women. I agree with you. Okay, Jean-Claude. Tu as dit, oui, mais ça va plus loin que ça. C'est le mur à mur, c'est tous les fonctionnaires, c'est toutes les religions. C'est bon, là, lui a précisé la pensée. Pense que le Québec, en fait, essaie d'éviter la dérape et essaie d'éviter de passer pour être anti-musulman parce que lui, il nous dit, soyons honnêtes, puis on l'a déjà dit un peu ça, c'est pas nécessairement le petit rond, la kippa ou la croix qui est le problème. c'est qu'à un moment donné, on a eu des immigrants musulmans et soudainement, on a été surpris de voir dans la rue des femmes couvertes de la tête aux pieds, des femmes dont on pouvait voir un peu le visage, des fois un peu plus, des fois un peu moins. C'est pas les juifs tant le problème, c'est pas les immigrants des autres nations. Le problème, c'est les musulmans. Il dit le Québec devrait en fait être un peu plus honnête. Les musulmans radicaux. Il dit le Québec devrait être plus honnête et mettre ça de l'avant. Il dit le problème, c'est avec le radicalisme un certain radicalisme de l'islam et le fait que la femme soit traitée de façon inférieure par cette communauté, encore une fois radicale là qui englobe pas tout le monde. Don't you think it will be undermined though by a potential legal clash against the Canadian Charter of Rights? Well, it could be, but Quebec has a tradition of making a point. I mean, for example, in language laws. Now, I'm an Anglophone, and I sort of laugh sometimes at Quebec's language laws and the language police and the sign police. But Quebec, in the past, has taken steps to try and keep its Quebecness. I mean, I'm a big free speech person, as you know, and so I don't particularly like those laws. But Quebec has done this before to try to maintain its specialness, its distinctness. And I mean, if you bring, I don't know that, I'm going to estimate there are 200,000-300,000 Muslim people in Quebec, most of whom have come in the last 10 or 20 years. And it is perfectly possible to be a loyal, Quebec values loving Muslim. Of course that's possible. But it's also very visibly evident that many of these newcomers are not embracing the Quebec values. To me, when I see a man and a woman on the street, and the woman is walking several steps behind her man, and is dressed from head to toe in a black body bag in the heat of summer, that is not Canadian, and that is not Quebecois. That is a foreign cultural invasion. And we have to say to those newcomers, you can be Muslim, but you must treat women equally. I truly believe this is all a giant way of avoiding the elephant in the room, which is radical Islam. It is totally possible to be a Quebec-loving, you know, flirtily waving, rock voisin singing Quebec. No, not rock voisin. You're going too far. Celine Dion, who's Muslim or Jewish. But take off the ninja outfit. Take off the beekeeper outfit and let your women and men be equal and renounce violence. That is what this is avoiding. This is a big way of avoiding the elephant in the room. Yeah, you got a brilliant point. Thank you very much, Ezra. Thank you, Dominic. Thank you. Bye-bye. Ezra Levent, c'est très clair. C'est très clair. Mais là, on disait ça un peu hier, tu sais. Le vrai problème, c'est quoi, vraiment? C'est l'islam radical. Moi, je vais plus loin que ça. C'est ce qui se passe dans certaines mosquées de Montréal ce matin. Ça, c'est inquiétant. Ce qui se prêche, mais ce qu'on sait pas, puis on n'est pas au courant, puis on n'est pas là. Ça, c'est bien plus dangereux, ça, pour le Québec, que la petite madame qui travaille au ministère de l'Environnement à Victo, à Warwick, avec sa croix. Dans le troisième ou même, aller plus loin que ça, là. Ou même, c'est pire que, justement, la dame qui a juste son hijab, là. C'est pas vraiment ça, le problème. C'est pas ça le point, là. Le problème, c'est... Le point, c'est les ninjas, lui, ils appellent comme ça. C'est-à-dire les femmes couvertes complètement, des ninjas, là. Ouh, qui suivent leur mari 30 pieds en arrière. Il dit la femme avec son sac à poubelle qui marche derrière son mari de plusieurs pas derrière, puis qui fait 40 dehors. Ça, tout le monde a pitié, là. Tout le monde se dit, mon Dieu, pauvre madame, tu sais. Ben, c'est ça le problème. En même temps, est-ce que le gouvernement peut dire, OK, on se fait une charte anti-radicalisme musulman? Anti-burqa, par contre, comme en France. Ouais. Oui. En France, le hijab, c'est correct? Non. La burqa, ce qui recouvre complètement la face, c'est pas, tu peux me donner une amende pour ça. OK. Mais le reste, c'est pas bon non plus. Ça, c'est dur à appliquer, mais je suis plus ouvert à ça qu'à partir à la chasse aux professeurs et aux infirmières qui ont une kippa sur la tête. Soyons bien honnêtes, là, les cycles. Là. On vit, on passe le mur au rouleau, là. Non, non, mais tu sais, les cycles, là, c'est pas une grosse menace, là. Ils ont un turban sur la tête, mais ils ont pas souvent entendu des discours extrêmes, tu sais, ou je veux dire, c'est pas... Les Juifs, là, tu sais, pas de menace, là, tu sais, je veux dire, même si des fois on fait le saut de tabarouette, hein, avec les boudins, puis le... Hey, hein, c'est pas très menaçant, là, tu sais, c'est... Très courte pause, on revient.